Le sujet, l'homme, un mort vivant. Évidemment, c'est un type de sujet qui suppose que on vit pas intensément. Vraiment, dans la dynamique de développement qu'on avait en première partie, dans la dynamique de développement qu'on a ou on a à subir une partie de notre vie, l'aspect vivre ses vies, là, disons, si je voudrais développer un peu plus à fond, là, vivre ses vies en étant conscient des plans. Comment l'individu peut en arriver à être conscient de plans invisibles et avoir une appréciation de vivre le plan matériel quand on sait que tout est mené d'en haut? Ça, c'est une question intéressante. La relation entre l'homme dans la matière puis les plans, c'est une relation d'évolution. La conscience, au fur et à mesure que la conscience se développe, la conscience devient un résultat d'intégration, c'est-à-dire que l'intelligence que l'on a de ce qui se passe dans le monde se fond avec l'intelligence que l'on a de la réalité des plans. Ça se fond. Et une fois que c'est très, très fondu, ou que c'est très unifié, à ce moment-là, évidemment, la sensibilité de l'homme change, puis le regard que l'homme peut avoir dans le monde change, dans ce sens que, étant conscient, il va apprécier les belles choses à cause de sa sensibilité. Autrement dit, il va être moins astral. Sa conscience va participer moins à des activités de bas astral que des activités de haut niveau. Mais l'homme va chercher dans la vie les choses qui sont plus près de sa sensibilité. Donc, il ne vit pas de décalage, il ne vit pas de séparation. Par contre, dans le processus de conscientisation, à cause de sa spiritualité qui est très grande, il vit le décalage. Mais le décalage qu'il vit est nécessaire au début pour lui faire prendre conscience des plans. Si l'homme ne vivait pas ce décalage-là, il ne prendrait pas conscience des plans. Et les plans sont tellement subtils, surtout quand on entre dans le domaine de la communication télépathique avec le plan mental, que c'est comme si on vit deux vies à la fois. On vit une vie humaine ici, mm-hmm. puis on vit une vie intérieure très, très intense avec le plan mental. Donc ça a tendance, au début, à créer une dichotomie. Mais avec le temps, les corps s'ajustent, la conscience s'intègre, puis éventuellement, on bénéficie dans la matière de ce qu'on sait dans l'esprit. Et on peut utiliser ce qu'on sait dans l'esprit dans la matière, de sorte qu'on élève le taux vibratoire de nos actes. Ici sur le plan matériel. Donc, un homme, par exemple, qui serait en affaires dans le monde, qui serait conscient, vivrait ses affaires ou le monde de l'affaire d'une façon très différente que s'il était inconscient. Autrement dit, il vivrait sa conscience d'homme d'affaires d'une façon très créative avec des gens qu'il trouverait dans le monde, créerait des partnerships créatifs, ainsi de suite. Donc, ça, il n'y aurait pas tendance à astraliser le monde, qu'il soit en politique, ou qu'il soit en affaires, ou qu'il soit dans une carrière quelconque. Il n'y aurait pas tendance à astraliser et à subjectiver son activité. Donc, son activité serait très créative, et automatiquement, mais la vie sur le plan matériel, en tant qu'homme, serait prendrait une couleur que l'homme de l'involution ne connaît pas. Bon, je prends, vous m'avez donné l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, en général, une dimension, disons, où il apprécie ce qu'il fait en affaires, c'est les gains, les profits, et puis la stratégie dans laquelle il développe ces gains-là. Un individu conscient et créatif, où, lui, va-t-il apprécier ce qu'il fait comme affaire? Il peut apprécier les gains, il peut apprécier la stratégie aussi, parce que c'est créatif. Par contre, ce qui va devenir impératif pour lui, ce sera ses relations humaines. Autrement dit, un homme conscient qui est en affaires va s'organiser pour faire des affaires avec des êtres qui ont une certaine sensibilité. Il ne traitera pas avec des gens qui sont réellement grossis en affaires ou des gens qui sont totalement alignés sur le profit en affaires. sa conscience va l'amener à réaliser que, dans le fond, les affaires, c'est la politique de la matière. Parce que dans la vie, tout revient à l'application de la psychologie. Et la psychologie, son application dans la forme, se manifeste éventuellement dans la politisation de la forme. Donc, tu pars de la psychologie qui est la science la plus importante pour l'homme, parce que la psychologie, c'est la science de l'être. Puis ensuite, quand tu l'appliques, cette psychologie-là, dans le monde, ça devient la politique de la psychologie. Et les affaires sont la politique de la psychologie. Les affaires sont la politique de la psychologie. Faire des affaires, c'est appliquer dans le monde la politique de la psychologie. Tu ne peux pas être dans les affaires et ne pas traiter de la politique de la psychologie. Politique de la psychologie, dans le sens que je le parle, veut dire l'application plus ou moins consciente de ta psychologie en fonction de ton rapport avec d'autres. C'est okay. Ça qui fait des affaires. Ouais. Fait que si c'est un restaurant, puis le monde vient de manger à ton restaurant, puis tu les traites pas comme des gens qui te rendent un service, ou tu les traites pas comme si toi tu leur fais un service, mais tu les traites comme si eux autres te font un service. Tu les reçois bien, tu t'occupes de leur donner une bonne nourriture, un bon service. Leur rendre un séjour d'une heure ou de deux heures intéressant, leur faire un beau petit environnement, ainsi de suite. Ces gens-là vont revenir parce que tu vas magnétiser le corps astral. Donc, tu vas faire de la politique à partir de ta psychologie. Donc, de ta psychologie créative, tu vas politiser la forme. Ces gens-là vont revenir. Les gens qui ont du succès en affaires dans le monde, à quelque niveau que ce soit, sont des gens qui intuitivement sont capables de faire, de politiser leur psychologie, autrement dit, de rendre concrète ce qu'ils ressentent dans leur tête, et puis de lui donner une forme. Et c'est ça de la politique, de la psychologie. Puis si tu fais ça en affaires, ou si tu fais ça dans un certain travail quelconque, dans n'importe quel travail, dans l'éducation, en médecine, en droit, à ce moment-là, tu deviens un homme qui est aimer des gens avec lesquels tu travailles, avec lesquels tu as des relations. Tu deviens apprécié pour le service que tu rends, ainsi de suite. Puis naturellement, il y a un retour. Le retour, c'est le profit, c'est la conséquence de... Par contre, l'homme qui est inconscient, lui, le profit devient la chose importante tout de suite. Tandis qu'un homme conscient, le profit va venir. Ça va prendre du temps, mais il va venir. Parce que, éventuellement, tu crées un égrégore positif dans tes relations humaines. Fait que tu ne peux pas indéfiniment... sans un retour, parce que tu donnes, puis tu donnes, puis tu donnes, puis tu donnes. Fait que la politisation de la psychologie, c'est que tu sois simplement intuitif ou que tu sois conscient, ça fait partie de la descente de cette vibration-là dans la matière, puis c'est ça qui te permet d'établir une liaison entre l'invisible et le matériel. De sorte qu'à ce moment-là, la vie devient très intéressante. Que tu fasses n'importe quoi, elle devient intéressante. OK. Vous disiez, un individu conscient, le profit est une conséquence de sa créativité. Est-ce que ça suppose que le fait d'être conscient et de se manifester d'une façon quelconque au niveau pratique, au niveau concret, ça va éventuellement, peu importe la façon, ça va éventuellement donner un profit à long terme et ça, c'est garanti? Si l'être se conscientise, il ne peut pas demeurer indéfiniment pauvre, autrement dit, il ne peut pas demeurer indéfiniment prisonnier de la survie, parce que la survie fait partie de la conscience d'humanité. Donc, sa vibration va monter, va monter, va monter, sa conscience va grandir, va prendre expansion, sa créativité va devenir très grande, et un jour, il va bénéficier de ce renouvellement d'énergie-là. Bon, est-ce que, dans le parallèle à ça, est-ce que parce que la pauvreté ou la survie ou la condition dans laquelle l'homme vit aujourd'hui, c'est totalement non intelligent. Ça fait pas partie des lois de la vie, ça fait partie des lois de la mort. Quand je dis que l'homme est un mort vivant, par exemple, être un mort vivant, ça veut dire vivre sur une planète et ne pas bénéficier totalement de sa conscience. Être régi par les lois astrales de l'âme, donc être régi par les lois du plan astral de la mort. Dans son vécu quotidien, vivre une programmation astrale à partir du moment où on vient au monde, jusqu'à temps qu'on meurt, à moins de passer d'un niveau d'inconscience à un niveau de conscience. Donc, la vie aujourd'hui, la façon dont l'homme moderne vit ou dont l'homme ancien vivait, c'est totalement désordonné. Ça fait, c'est anti-intelligence. La pauvreté est anti-intelligence. C'est une abomination, la pauvreté. Alors, l'homme ne peut pas s'émanciper, ne peut pas mettre à l'œuvre sa grande créativité, qui peut être très vaste, dans un vase clos. Donc, l'homme a besoin d'un certain appui matériel, puisqu'il est dans le monde matériel. Par contre, pour en arriver à avoir accès à cet appui matériel-là, d'une façon régulière et ascendante, ça y prend une conscience qui est très vibrante, qui est très égale à son pouvoir créatif, et ça prend le temps que ça prend pour qu'il en arrive à ce niveau-là. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle comme quoi, plus on est dans la survie, plus on est inconscient, puis moins on est dans la survie, plus on est conscient? Pas nécessairement, parce que quand on parle du thème survie, le thème survie s'emploie à deux niveaux. Il y a des gens qui ne sont pas dans la survie matérielle, mais sont dans la survie psychologique. Il y a des gens qui sont dans la survie psychologique, mais ne sont pas dans la survie matérielle. Il y a des gens qui sont très riches, donc ils n'ont pas de problème de survie matérielle, mais ils ont des gros problèmes psychologiques. Il y a des gens qui sont très pauvres, ils ont des problèmes de survie matérielle, mais dans leur tête, ils sont très bien. Fait que l'homme vit la survie à deux niveaux. Ça, c'est universel pour tous les hommes sur la Terre. Pour que l'homme soit libre de la survie psychologique et matérielle, il faut qu'il soit conscient. S'il n'est pas conscient, il peut être libre d'un ou de l'autre, ou être prisonnier des deux. Mm-hmm. Quand tu as des problèmes psychologiques, puis tu as des problèmes de survie en même temps, là, c'est un karma qui est lourd. Ça, je ne parle même pas de la santé, là. Je parle rien que là, de la matière. Alors, tu prends un étudiant, par exemple, qui s'en va à l'université, qui cherche ce qu'il va faire, mais au moins il est à l'université, il est content, il étudie, mais il y a des problèmes de survie matérielle. Il sort de l'université, il y a encore des problèmes de survie matérielle. Ça prend des années avant de se sortir de ça. Donc l'homme est prisonnier d'un des deux ou des deux à la fois. L'homme conscient, éventuellement, sera libre des deux. Bon, l'homme conscient a accès à une conscience de l'invisible. Il est conscient parce qu'il a accès à l'invisible. Est-ce que l'invisible l'informe sur comment se sortir de la survie? Est-ce qu'il peut demander à l'invisible comment se sortir de la survie, autant psychologique que matérielle? Si on parle du contact avec l'invisible, il y a deux niveaux où l'homme peut être en contact avec l'invisible. L'homme peut être en contact avec l'invisible au niveau du plan astral. Un médium, par exemple, va être en contact avec le plan astral de l'invisible. Le contact avec le plan astral de l'invisible, c'est un contrat karmique, même si l'homme est en contact avec le plan astral de l'invisible. Communiquer télépathiquement avec des entités, c'est un karma. Parce que les entités sont des âmes humaines qui sont dans un corps astral. Donc, ce sont des âmes qui ont vécu sur la Terre. Ce sont des âmes qui ont un certain niveau d'évolution. Ce sont des âmes qui sont régies par le monde de la mort, donc qui sont régies par les lois du mensonge cosmique. Donc, l'homme ne peut pas complètement, parfaitement, intégralement, absolument se fier sur une communication avec l'invisible de l'astral. Dépendant du contrat karmique, dépendant du lien qu'il a, il va bénéficier et il va souffrir en même temps de ce lien-là. Parce que ça fait partie des lois de l'évolution. Si l'homme est conscient au niveau du mental, qui est en contact avec le double, ce qu'on appelle l'esprit dans notre civilisation, à ce moment-là, l'homme est son grand soi, son être, son principe universel. À ce moment-là, l'homme est en contact avec un niveau de conscience qui n'a jamais eu d'expérience planétaire dans le cosmos. Donc, ce sont des êtres de lumière qui ne s'incarnent pas. Sont régis par les lois de l'éternité, ces êtres-là, ils descendront vraiment de la matière. Ce sont des êtres dont la fonction dans leur monde est de s'assurer à l'évolution de ce qu'on appelle l'esprit, c'est-à-dire à l'évolution graduelle au cours des âges de la pensée humaine, donc inévitablement de la conscience. Quand l'homme est conscient de ces êtres-là, de cette source-là, de sa source, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de demander. C'est que la rencontre, la fusion, l'union, c'est le résultat. Mais un résultat qui est ascendant, qui est suffisamment long. Parce que l'homme doit passer de l'inconscience astrale à la conscience mentale. Il doit passer de la personnalité à la personne. Il doit passer d'un être qui n'a pas d'identité à un être qui en a une. Il doit passer d'un être qui n'a pas de centre de gravité à un être qui en a. Il doit passer d'un être qui est pas lucide à un être qui devient. Il doit passer d'un être qui pense à un être qui communique télépathiquement avec les circuits universels. Il doit passer d'un être qui est totalement assujetti à un être qui assujettit. Donc, c'est tout un processus de transformation. Et ça nécessite pour l'homme une conversion totale de sa façon de voir, de sa façon de penser et de sa façon de percevoir le monde dans lequel il est. Quand je parle du monde dans lequel il est, je veux dire les valeurs que le monde s'est donné au niveau du libre arbitre universel involutif pour avoir une certaine prise inconsciente sur la vie. Donc, la politique, la valeur de la politique, la valeur des religions, parce que ces deux valeurs-là dans le monde sont très importantes, même si l'homme n'est pas impliqué nécessairement directement dedans en tant que décideur, il est impliqué dedans en tant que receveur. Mm-hmm. Fait que tous les hommes sont influencés par la politique ou les valeurs idéologiques de la politique allemande. Vive en Russie, vive au Québec, c'est pas pareil. Puis tous les hommes sont influencés aussi en fonction des valeurs religieuses qu'ils ont. Même si l'homme est athée, l'homme est influencé par des valeurs religieuses ou leur absence. Et ça conditionne sa psychologie personnelle. Puis, de ces deux grands courants-là, qui sont toujours dans l'ambiance psychologique de l'ego, il y a les rapports interrelationnels de l'homme avec l'homme, qui varient selon les rencontres, et qui sont susceptibles, dans leur variation, de créer de la souffrance ou de la joie, dépendant des centres de gravité de l'ego, dépendant du développement de son centre émotionnel, et ainsi de suite. Ça affecte notre vie au travail, ça affecte notre vie de couple. Puis, après ça, il y a deux autres grandes lignes de force dans la vie de l'homme, la sexualité et l'argent. La sexualité, c'est très occulte. Les études sur la psychologie que les psychologues font, que les hommes font, sont très, très superficielles. La psychologie, ça va très profondément dans la manipulation des éthers astraux de la conscience humaine. Puis l'homme n'est pas conscient de ça. Est-ce qu'il y a une relation entre la sexualité et l'argent? L'argent, c'est une énergie astrale qui sert à la manipulation du corps mental de l'homme. Puis la sexualité, c'est une énergie astrale qui sert à la manipulation du corps émotionnel de l'homme. Ils ont deux fonctions totalement différentes. La manipulation de l'énergie sexuelle sur la Terre, à part du plan purement procréatif, c'est celui de permettre à l'ego mâle de se sentir en valeur, en action créative, mm-hmm. puis à l'ego de la femme de se sentir en union affective. S'il y a une brisure là-dedans, pour une raison ou une autre, il y a une souffrance. L'argent, ça sert sur le plan matériel à contrôler le débit créatif de l'ego par rapport aux structures sociales qui ont été composées, qui ultimement lui font miroiter une valeur sociale quelconque, ce que vous appelez un statut, qui le met en confiance personnelle ou moins en confiance personnelle par rapport à son ego inconscient. Puis c'est jamais absolu, ça, parce que tu peux être bien smart, puis tu peux être bien fonctionnel, puis tu peux être président de compagnie, puis tu fais bien de l'argent, puis ta compagnie a bien du succès, puis d'un coup, il y a un crash, paf, puis tu perds des culottes. Fait que t'es pas encore en contrôle. Donc, l'homme est manipulé à partir des éthers astraux et à partir des éthers du plan mental. Puis, il n'en est pas conscient. Donc, automatiquement, sa vie sur la Terre, c'est un passage qui est très bref. Il n'a aucune possibilité d'avoir accès, après la mort, à l'immortalité de son corps éthérique. Donc, il va chercher dans la mort la solution éphémère de son véhicule astral, de ça que quand il sort de son corps matériel à la mort, là, il est content parce que il est libéré des chaînes de la matière, mais là, il est régi par les lois de la mort, qui est un autre monde, absolu en soi, qui a ses lois aussi rigides que nous autres, on a nos lois, comme la gravité sur la Terre, où il est obligé de revenir dans la matière pour évoluer encore, les lois de réincarnation, jusqu'à temps que finalement, il connecte avec cette source-là, qui est le double, avec lequel il ne peut pas connecter quand il est dans le monde de la mort. C'est pour ça que d'ailleurs que les morts vivent toujours une tristesse et que les morts vivent toujours une jalousie par rapport à l'homme sur la Terre. Et ça, c'est une des raisons fondamentales pourquoi l'homme sur la Terre ne peut pas être heureux, parce que le monde de la mort fait toujours interférence avec son bonheur sur la Terre. C'est impossible que l'homme sur la Terre soit heureux tout le temps, parce que ça va contre les lois de la mort de toujours le soutenir dans sa vibration. Donc, même si l'homme vit par intuition proche du plan astral, si l'homme vit par intuition proche d'une entité qui a déjà été en lien karmique avec lui, s'il y a un certain amour, une certaine fidélité entre les deux, cette entité-là ne peut pas le maintenir dans un état de conscience glorieuse, parce que le monde de la mort, c'est un monde où l'intelligence n'existe pas, où seulement la mémoire persiste. Donc, les morts sont des êtres qui sont en enveloppe astrale, sur différents plans. Il y a des morts qui sont très, très malheureux dans les plans astraux de basse vibration, que l'Église, dans sa théologie, appelle les enfers, comme il y a des morts qui sont plus heureux sur les hauts plans de l'astral, dans ce que la théologie encore appelle le ciel, dans sa théologie, ou d'autres religions. Mm-hmm. Mais d'une manière ou d'une autre, ces êtres-là, bien qu'ils aient une capacité d'évoluer dans le plan astral, il y a des êtres en enveloppe astrale qui ne veulent pas revenir sur la Terre, parce qu'ils sont très bien dans l'astral. Mais un jour, ils seront obligés de revenir dans la matière, soit sur notre planète ou sur d'autres planètes, pour éventuellement connaître la fusion, parce que l'esprit, la lumière, les êtres qui font partie de ce qu'on appelle l'éternité, doivent éventuellement fusionner avec la matière, à travers l'âme et l'ego. Ça, c'est un principe cosmique, ça a été révélé au 20e siècle, puis c'est inévitable au cours des âges. Donc, les morts, un jour, vont devoir revenir se réincarner, même si, aujourd'hui, ils vivent des vies bienheureuses, les saints, par exemple. Un jour, il va falloir qu'ils reviennent dans la matière, parce que même les saints sont sans dessein. Autrement dit, l'ignorance, l'ignorance cosmique n'a rien à voir avec la sainteté de l'être. Un saint, c'est un être qui, à cause du contrat karmique avec des plans, a été utilisé dans sa vie pour maintenir à la vue de l'homme emprisonné dans la matière l'existence de plans extraterrestres ou paraterrestres ou paranormaux. Ça, c'est la fonction de la sainteté sur la Terre. La fonction de la sainteté sur la Terre, ce n'est pas de sanctifier l'humain. La fonction de la sainteté sur la Terre, c'est de faire réaliser à l'humain qu'il y a des forces parallèles qui sont astrales, que l'homme ne connaît pas, mais qui sont astrales, et qui connectent avec l'homme pour créer des phénomènes particuliers, pour l'assurer d'une présence après la mort sur d'autres plans. Ça fait partie des services spirituels qui sont rendus par l'astral pour continuer à garder l'homme dans l'ignorance. Parce que la fonction du monde de la mort, c'est de perpétuer l'ignorance sur la Terre, la job des morts, qu'ils soient dans le bas astral ou qu'ils soient dans le haut astral des bienheureux, c'est de perpétuer l'ignorance sur la Terre. Ceux qui sont allés à Medjugorski, par exemple, en Yougoslavie, là, puis qui ont étudié ou qui ont lu les rapports des enfants, là, qui sont en contact avec la Vierge, là, puis les genres de questions qu'ils posent à la Vierge quand ils tombent en transe, puis les réponses qu'ils reçoivent, c'est déboussolant de stupidité. Autrement dit, jeûner, prier, ça c'est réellement ça, nous prendre pour des idiots. Tandis que moi, si je vais à Medjugorski, puis que je vais aller avec vous, tu sais, elle est faite à l'os. Parce qu'elle pourra pas me passer de sa boue de main. Comprends-tu? Puis elle va être obligée de me répondre. Parce qu'elle va être... Il voit la lumière. Fait qu'automatiquement, c'est pour ça que du monde comme nous autres, on vit pas ça à ce niveau-là. On vit pas de contact avec des entités astrales. Parce que on peut pas se faire jouer de game. On peut communiquer par télépathie avec eux autres. On n'a pas besoin de tomber en transe. Tout ça. T'sais. On a tous nos sens, autrement dit. Ça fait que ça va loin l'affaire. Et quand on nous disait dans certaines... Laisse-moi parler encore, j'en crois un petit peu. Ça va loin l'affaire dans ce sens qu'il est temps que l'homme sur la Terre commence à comprendre que quand je parle d'ignorance, quand je dis qu'on est ignorant, je m'attaque pas au type qui a un doctorat. Ça prend des hommes dans le monde qui ont des doctorats puis qui ont réellement étudié la matière puis qui ont fait des grandes études. D'accord. Mais je dis que l'ignorance, quand on parle de l'ignorance occultement, ça veut dire que l'homme n'est pas conscient de la multidimensionnalité des plans. Il y a un qui étudie ici, là, la matière, l'atome, ici, là. Mais au-dessus de ça, il y a d'autres choses. Fait que si l'homme n'étudie pas les autres plans, il est réellement ignorant, même s'il a le prix Nobel de la physique. Parce qu'un jour, il va venir un temps où, avec l'avancement de la science, le développement de la science empirique, ces sciences-là ne seront plus utiles, anyway. Parce que ces sciences-là sont trop limitées par le fait que l'homme est obligé de les étudier à partir de ses sens ou de l'extension de ses sens. Un jour, l'homme va pouvoir aller sur les plans éthériques pour étudier la matière dans sa conscience vive, puis l'altérer à partir de là. Mais l'homme, quand on dit que l'homme est ignorant, on dit que l'homme n'a pas conscience de la réalité des mondes parallèles. Et avant que l'homme connaisse et comprenne les mondes parallèles du mental, de l'esprit ou du double, ou de son principe universel, faut que l'homme passe à travers le plan parallèle de sa conscience astrale, qui est manifesté en lui par la stupidité de sa pensée subjective. Autrement dit, c'est pas naturel, cosmiquement parlant, psychiquement parlant, c'est pas naturel que l'homme vive des pensées stupides. Fait que si tu vis des pensées stupides, c'est parce que c'est astralisé. C'est pas toi, ça, qui vis ça. Okay. C'est pas toi qui crée ça. C'est pas ta lumière qui crée ça. C'est pas ta source qui crée ça. C'est de l'interférence, quelque part, qui crée ça. Donc, il y a des forces astrales qui manipulent la conscience humaine. C'est pour ça que l'homme vit une pensée subjective. Et il faut que l'homme passe à travers ça. Comme je donne souvent l'exemple de la jeune fille qui est jeune, ou le jeune homme qui est jeune, puis qui se fait dire qu'il est stupide, puis qu'il va rien faire dans la vie, ça vient pas de sa source. Ça vient de l'astral. Quand je dis que l'homme, c'est un mort vivant, c'est un vivant qui est manipulé par le monde de la mort. Donc, c'est un mort vivant. Une fois que l'homme, si l'homme est pas, ça y en prend pas trop longtemps. C'est pas trop long pour commencer à comprendre. Quand l'homme commence à comprendre ça, quand tu commences à voir ou rentrer dans la psychologie de la conscience supramentale, puis voir, au-delà de la psychologie classique, les éléments ou les paramètres fondamentaux de la pensée humaine, à ce moment-là, il commence à voir de l'air. Là, il commence à voir la guerre. Fait quand il se fait dire qu'il est stupide, là, il commence à couper avec ses pensées-là. Il commence à arrêter de penser que c'est lui qui pense de même. Fait quand tu arrêtes de penser que c'est toi qui penses niaiseusement, tu commences à penser intelligemment. Fait que ça s'arrête un jour. Ouais. La magnétisation de ton corps mental cesse, puis éventuellement, tu commences à rentrer dans ta conscience, tu commences à être un petit peu plus, avoir plus de discernement, plus lucide, tu commences à développer des centres de gravité, puis tu commences à réellement commencer à comprendre la vie, tu commences à la voir, comment ça marche. Puis là, t'avoues, là, sur toutes ces facettes, puis tu vois que c'est une grosse game. Quand tu comprends que la vie, c'est une grosse game, puis t'es plus capable de te faire prendre dedans, là, t'es intelligent. Avant ça, même si t'es un doctorat, t'es un ignorant. Est-ce que ce serait trop en demander que lorsqu'une situation est critique, complexe, je dirais qu'entre deux individus, il y a une haute tension au niveau des jeux de personnalité, est-ce que c'est trop demandé d'avoir accès à cet invisible-là pour régler le problème? En d'autres termes, que deux individus qui ont un dilemme puissent aller direct dans une information, même s'il y a un d'ordre astral, de laisser parler ça pour régler le dilemme, le conflit, la situation critique. L'invisible ne parlera pas avec n'importe qui. C'est l'invisible qui choisit. Ah, c'est l'invisible qui choisit. Ouais, le contact entre l'invisible au niveau de la télépathie, là, c'est un petit peu... ça dérange l'invisible. T'sais, l'invisible, quand ça te parle, ça dérange. Éventuellement, ça ne te dérange plus. Mais au début, ça dérange parce que l'ego est habitué à penser que c'est lui qui pense. Fait que si c'est quelqu'un d'autre, là, il commence à vivre une double personnalité. Mm-hmm. Il n'aime pas trop ça parce qu'il pense qu'il capote. Puis, tu sais, quand t'es tout seul, tu penses, hey, mais quand tu commences à parler avec quelqu'un dans ta tête, tu commences à poser des questions. T'sais? Ça fait que, puis dans un sens, faut que l'ego se méfie de la communication avec l'invisible. D'abord, comme j'ai toujours dit, faut jamais croire à l'invisible. Mm-hmm. Mais l'ego au début, ça fascine ça, parce que tu commences à recevoir des réponses qui viennent plus